tant d'amour ne peut mourir, et s'il nous faut souffrir pour quelques souvenirs, je fais confiance à l'avenir, j'espère. Un grand amour n'est vraiment grand que quand le sort méchant sépare les amants. Et que le cœur reste pour autant sincère. Ici, rien n'est changé, ta place est prête. C'est l'espoir de ton retour qui me soutient. Un grand amour ne peut mourir si nous d'endure de tendres souvenirs, puisque tu vas me revenir, j'espère. Tu me dis dans ta dernière lettre qu'avec le printemps tout peut renaître, et qu'un jour peut-être à ma fenêtre je te reverrai ouvrant les bras. Ce jour-là, ce jour-là, quel jour de fête, crois-moi. Un grand amour ne peut mourir, et s'il nous faut languir pour quelques souvenirs, je fais confiance à l'avenir. J'espère. Un grand amour n'est vraiment grand que quand le sort méchant sépare les amants, et que le cœur reste pour autant sincère. Ici, rien n'est changé, ta place est prête. C'est l'espoir de ton retour qui me soutient. Un grand amour ne peut mourir s'il nous fait l'envie de tendres souvenirs. Puisque tu vas me revenir, j'espère, j'espère, j'espère.